Chapitre 14. Le porte-malheur. Ophélie palpa un par un les bouts des gants du professeur Wolfe, trop longs pour ses doigts. Elle était venue chez cet homme en quête de réponses et elle en était repartie avec plus de questions encore, ainsi qu'une jolie collection d'égratignures. Qu'est-ce qui l'avait donc dissuadé de poursuivre ses recherches au mémorial? Quel était cet échantillon qu'il avait fait expertiser? Pourquoi la réponse de son confrère l'avait-elle à ce point terrorisée? Cette peur-là avait-elle un quelconque rapport avec celle qui avait saisi Miss Silence au moment de mourir? Une averse épaisse s'abattit sur toutes les vitres du tramoiseau. Ophélie ferma les paupières, refoulant l'émotion qui lui montait à la gorge. La vision de l'écharpe, errant dans les rues de Babel comme un chien abandonné, l'obsédait jour après jour. Non, ne pas penser à cela, aller de l'avant. Elle rouvrit les yeux en sentant le tramoiseau manœuvrer à l'approche d'un belvédère. C'était la 5e académie qu'il desservait, ce serait bientôt le conservatoire. Des étudiants sortirent sous la pluie en rabattant leurs capuches, d'autres montèrent en ébrouant leurs gabardines. Comme à chaque station, Ophélie vérifia s'il n'y avait pas parmi eux un garçon en fauteuil roulant. Ambroise lui manquait. Son amitié, sa bienveillance, sa loquacité lui manquaient. Elle ne comprenait pas pourquoi il avait soudain pris ses distances, répondant à peine à ses télégrammes, ne lui rendant jamais visite, mais elle s'en inquiétait. Non, ne pas penser à cela non plus. Ophélie observa à travers le cheminement sinueux des gouttes sur la vitre la tour du mémorial dans le lointain. Quelque part entre ses murs, il y avait le secrétarium, et dans ce secrétarium, une chambre forte, et dans cette chambre forte, l'ultime vérité. Et si c'était cette vérité-là qui avait approché de trop près Miss Silence et le professeur Wolfe? Et si Thorne s'était mis lui-même en danger pour la découvrir? Il était frustrant de savoir qu'elle devrait descendre à la prochaine station sans pouvoir poursuivre le voyage jusque là-bas. Ses 3 heures de permission touchaient à leur terme. La lenteur des gondoles lui avait fait perdre un temps précieux, elle avait d'ailleurs failli ne pas avoir son tramoiseau. Se faire renvoyer de la bonne famille à cause d'une correspondance manquée à 2 jours de la fin de sa période de probation, cela aurait été un comble. Ophélie se remit à palper le tissu lâche des gants au bout de ses doigts. Un soupir lui monta du fond du ventre, mais ce fut son voisin de banquette qui le poussa à sa place. Elle tourna les yeux vers lui, interrogative. Il contemplait lui aussi la vitre éclaboussée de pluie, mais avec une expression coupable, comme s'il était personnellement responsable du mauvais temps. Son profil, aux cheveux poivre hirsutes et au long nez pointu, évoquait un museau de hérisson. Il inspira à Ophélie un sentiment de familiarité dont elle comprit la cause en voyant la plaque « commis », épinglée à l'uniforme. « L'homme au chariot », murmura-t-elle. Après une hésitation, le commis détacha son regard de la vitre. « Sorry, miss, c'est à moi que vous vous adressez. » Ophélie se composa un sourire poli. Ça ne lui avait pas tellement réussi avec le professeur Wolfe. Mais ce commis n'allait pas la jeter hors d'un tramoison en plein vol, non? Nous nous sommes déjà rencontrés, monsieur, au département jeunesse du mémorial. J'avais renversé les livres de votre chariot et vous, eh bien, vous avez reçu un blâme par ma faute. Ah, ces livres, bredouilla le commis. Ça me paraît bien loin. Il se prit d'un intense intérêt pour ses mains nouées sur ses genoux, la tête engoncée dans les épaules, et n'ajouta rien. Il semblait désespérément seul, aussi seul qu'Ambroise au milieu des automates de son père, aussi seul que le professeur Wolfe enfermé à triple tour dans son appartement. « Aussi seul que moi », ne put s'empêcher de songer Ophélie. « Eulalie, » se présenta-t-elle. « What ?» s'étonna le commis. « Oh, moi c'est Blasius. » Il frotta sa nuque d'un geste malaisé, comme quelqu'un qui n'a pas l'habitude des civilités. « Votre uniforme. Apprenti. Virtuose. » Ophélie sentit un sourire, un vrai cette fois lui poussé sur les lèvres. Ce n'était pas tous les jours qu'elle tombait sur quelqu'un d'encore plus gauche qu'elle. « Avant-coureuse. » « Je suis impressionné. » Blasius paraissait sincère. Il avait arrondi les yeux, des prunelles noires et humides de hérisson, comme si on venait de lui apprendre qu'il était assis à côté d'un lord de luxe. Au dehors, la pluie redoubla d'intensité sur les vitres, poussée par un vent d'ouest. La foudre déchira le silence, projetant une lumière vive sur les visages des étudiants, mais pas un seul d'entre eux ne releva le nez de son manuel de cours. Il régnait toujours dans les transports publics de Babel un calme exagéré, et pour cause, le chef de bord infligeait une amende au moindre chahut. Ophélie ne put retenir un regard inquiet vers le plafond, avec une pensée pour les chimères qui tractaient les wagons sous l'orage. À l'essai, se sentit-elle obligée de préciser, j'aimerais beaucoup travailler au mémorial comme vous. Comme moi? Je ne vous le souhaite pas, dit Blasius en désignant sa plaque de commis. Ça fait des années que je range ce qu'on me demande de ranger. Ça n'a rien de prestigieux. Les collections du mémorial sont très imposantes. Elles doivent quand même représenter une formidable masse de travail, non? Surtout si on inclut le secrétarium, ajouta Ophélie le plus innocemment possible. Je n'y ai jamais mis les pieds, soupira Blasius à sa grande déception. C'est un département bien trop important et bien trop confidentiel pour quelqu'un comme moi. Et vous ne participez pas non plus au groupe de lecture? Blasius laissa échapper un rire incrédule qu'il étouffa contre sa paume en croisant le regard sourcilleux du chef de bord. Les groupes de de Sir Henry, reprit-il à voix très basse. Il faudrait qu'il soit fou pour m'y accepter. Ophélie ne comprit pas le fondement de cette remarque, mais elle préféra ne pas s'obstiner dans cette voie. Elle avait enfin trouvé un interlocuteur conciliant. Elle devait mettre chaque minute du trajet à profit. « J'ai appris pour Miss Silence, » chuchota-t-elle en guettant la réaction de Blasius du coin de l'œil. « Ça a dû être un terrible choc. » À l'instant précis où elle prononça ce dernier mot, elle fut brutalement secouée sur son siège. Une rafale de vent plus violente que les autres avait bousculé le wagon entier, provoquant cette fois des exclamations de surprise à travers toutes les banquettes. « Gardez votre calme, citoyen !» s'exclama le chef de bord. « Ceci n'est qu'une légère turbulence. Notre totémiste a le parfait contrôle de son attelage. » Ophélie remonta ses lunettes que la secousse avait projetées tout au bout de son nez. Elle vit autour d'elle plusieurs étudiants ramasser le manuel qu'ils avaient fait tomber. En ce qui la concernait, elle n'était plus rassurée du tout. Elle s'était instinctivement cramponnée au bras de Blasius qui contemplait cette main avec une expression éberluée, à croire que c'était la première fois qu'il en voyait une à un endroit aussi improbable. Il finit par la tapoter du bout des doigts maladroitement, avec un sourire d'excuse à la commissure des lèvres. « Ce genre de choses arrive souvent avec moi. Les gants que vous portez, » enchaîna-t-il avant qu'Ophélie ne puisse interroger sur le sens de sa phrase. « Ce sont ceux de Wolf, n'est-ce pas ? Comment savez-vous qu'il... »« Vous connaissez le professeur Wolf ?» balbutia Ophélie, de plus en plus surprise. Blasius frotta son grand nez pointu d'un geste embarrassé. « J'ai reconnu son odeur sur vous. Je suis un olfactif, voyez-vous. Wolf est un régulier du mémorial, il l'était du moins, » ajouta-t-il la gorge serrée par l'émotion, « avant son accident. » Ophélie nota qu'il le nommait Wolf sans son titre. Ils étaient certainement un peu plus que de simples connaissances. Alors qu'elle se faisait cette réflexion, Blasius vérifia d'un coup d'œil nerveux que le chef de bord ne s'intéressait pas à eux. « Puis-je vous faire un aveu, miss ?»« Oui ?» Blasius se pencha timidement et par-dessus le fracas de la pluie, il souffla tout bas. « C'est moi !» Qui est tué, Miss Silence? Ophélie sentit son estomac se soulever, et ce n'était plus à cause des oscillations du wagon. Elle articula. Pourquoi? Sans être capable d'émettre le moindre son. Blasius reprit ses distances et s'affaissa sur la banquette, plongeant les doigts dans ses cheveux déjà ébouriffés, les traits de sa figure tiraillés par la culpabilité. Là n'est pas la question, Miss. Demandez-vous plutôt comment? Il adressa un regard inquiet à Ophélie comme s'il craignait de la voir soudain briser la vitre et sauter dans le vide pour lui échapper. « Je porte malchance. » « Ah !» Ophélie ne trouva rien de mieux à répondre. C'était l'une des déclarations les plus inattendues qu'on lui avait jamais faites. « Je suis sérieux ? » insista Blasius en écarquillant de grands yeux tourmentés. Le chariot à livre, l'accident de Wolf, la chute de Miss Silence, cette pluie diluvienne, c'est vraiment moi, vous comprenez? Il en a été ainsi depuis le jour de ma naissance. Je défie toutes les statistiques. Des personnes very compétentes se sont penchées sur mon cas. Les mots de Blasius atteignirent Ophélie droit au cœur. Ils faisaient écho à ceux de Thorne prononcés 2 années et demie plus tôt. « Vous avez une prédisposition surnaturelle aux catastrophes. » Elle ouvrit la bouche, mais un rugissement lui coupa la parole. « Honte à vous, les agneaux !» Ophélie et Blasius se retournèrent. Autour d'eux, les étudiants échangeaient des regards interdits. Quant au chef de bord, il avait déjà empoigné son carnet d'amende et cherchait de banquette en banquette celui qui avait osé enfreindre le règlement. Il ne le trouva pas. La voix s'éleva à nouveau de nulle part et partout à la fois, plus puissante que le tonnerre au dehors. « Oui, parfaitement, des agneaux. Regardez-vous avec vos jolis uniformes. Regardez-vous avec vos vertueux manuels. Regardez-vous avec votre langage bien comme il faut. Et vous osez vous prétendre la jeunesse de Babel. » Ophélie se boucha les oreilles pour ne pas devenir sourde. Elle avait déjà entendu cette voix de ténor. C'était celle du sans-peur et presque sans reproche, le jour où elle avait visité le mémorial. « Je vais vous dire, moi, ce que vous êtes !» poursuivit la voix. « Des complices, des conspirateurs du silence, des dictateurs de la bien-pensance !» S'il vous reste un semblant d'amour-propre citoyen, répétez après moi. À bas l'index et mort au censeur. À bas l'index et mort au censeur. À bas l'index et... La voix se transforma en un grésillement suraigu qui transperça les tympans d'Ophélie. Le chef de bord avait fini par trouver sous un siège de banquette un poste radiophonique poussé à plein volume et l'avait éventré à coups de talons. Le silence retomba, lourd de pluie, de vent et d'orage. « L'incident est clos, citoyen !» déclara le chef de bord d'un ton sans réplique. « Prochain arrêt, la bonne famille !» Les oreilles encore sifflantes, Ophélie considéra Blasius, qui s'était levé de la banquette pour lui permettre de quitter sa place. Il haussa les épaules avec fatalisme. « Je vous l'avais bien dit, Miss Hurley, je porte malheur. » Ophélie se mit debout, cherchant son équilibre au milieu du roulis. Elle regarda les débris du poste radiophonique que ramassait le chef de bord à l'autre bout du wagon. La voix résonnait encore en elle, mort au censeur. « Miss Silence était bien maître censeur, n'est-ce pas ?» Blasius souleva les sourcils poivres et hirsutes comme ses cheveux. « Hein ? Oui, mais... Well, vous ne pensez quand même pas... Je ne sais pas encore ce que je pense, » chuchota Ophélie aussi bas et aussi vite que possible. « La seule chose dont je suis à peu près certaine, monsieur Blasius, c'est que vous n'êtes pas responsable de ce qui est arrivé à Miss Silence et au professeur Wolf. Je crois même que vous avoir rencontré ici dans ce tramoiseau a été pour moi une véritable chance. » Blasius écarquilla les yeux, il y eut un frémissement au coin de sa bouche, comme une flamme vacillante de bougie. « C'est la première fois de ma vie que j'entends quelqu'un me dire ça. »« La bonne famille !» annonça le chef de bord. Ophélie serra la main que Blasius lui avait poliment tendue malgré l'inconfort de ses gants trop larges. « J'ai la ferme intention d'intégrer les groupes de lecture, » lui déclara-t-elle. « Nous nous reverrons bientôt au mémorial. D'ici là, soyez prudents et demandez-vous ce qui a réellement tué Miss Silence. » Une fois sur le débarcadère, Ophélie suivit des yeux la silhouette du train ailé qui poursuivait sa course à travers le ciel. La pluie avait cessé dès l'instant où il s'était éloigné de l'arche. « Je ne dois pas, » songea-t-elle, « de toutes ses forces. Donner mon amitié à un mémorialiste serait déraisonnable. Dangereux même. » Elle fut forcée de reconnaître en réalisant qu'elle se sentait soudain moins seule, que c'était déjà trop tard.